Qu'en diriez-vous? Vous ne m'avez pas dit pourquoi. Dire, c'est tout simplement dire. Et quand on plonge dans le passé, dire devient dit, n'est-ce pas? Et donc, en italien detto. Bien, detto, oui. Alors, ça donne quoi? Vous ne m'avez pas dit pourquoi. Non mi ha detto. Oui. Non mi ha detto. Non mi ha detto perché. Non mi ha detto perché. Tout à fait. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons deux plongeoirs possibles. Avoir ou être, avant le verbe. Si vous vouliez dire c'est fait, par exemple, donc avec le plongeoir être cette fois, que diriez-vous? Ha fatto. Ça, c'est il a fait ou elle a fait. Ah, è fatto. È fatto, voilà. Et comment diriez-vous il a préparé le dîner? Pas « o », mais « il ». Il a préparé. Ha preparato. Ha preparato le dîner. La cena. Ha preparato la cena. Oui. Donc, vous voyez que, comme en français, après « avoir » ou « être », vous plongez dans le passé. « Tutti », avec un « i » à la fin, c'est tous, T-O-U-S, un pluriel donc. Tout, T-O-U-T, au singulier, se dit tutto, avec un O. Mais le pluriel, c'est tutti, masculin ou tutte, féminin, tutte. Est-ce que tutte vous rappelle quelque chose? Quelque chose qui a à voir avec l'opéra? Così fan tutte. Exactement, c'est la réponse que j'attendais. Così fan tutte. Così fan tutte. L'opéra de Mozart. Tutte est un féminin. Tutte, c'est-à-dire toutes. C'est ainsi qu'elles le font toutes. C'est ainsi que font toutes les femmes. Così fan tutte. Alors, maintenant, comment dit-on je suis? Disons, je suis occupé quand on est un homme. Sono occupato. Sono occupato. Il se trouve, et c'est quelque chose que je ne vous avais pas encore dit, que le mot sono a deux sens. Sono, comme vous le savez, veut dire je suis. Mais il peut aussi signifier ils sont ou elles sont. Sono, je suis. Mais aussi sono, ils sont ou elles sont. Cela dit, il y a une différence entre « je suis occupé » qui se dit « sono occupata ».« Sono occupata » avec un « a » parce que vous êtes une femme. Je disais donc qu'il y a une différence entre « je suis occupé » et « ils sont occupés ». Comment diriez-vous ça ?« Ils sont occupés ». « Sono occupati » Occupati. Très bien. Sono occupati. Donc, si vous voulez dire tout le monde est occupé maintenant, bien sûr, tout le monde en français est un singulier, mais en italien on dit tous sont occupés. Et donc, c'est un pluriel. Comment dites-vous ça? Ils sont tous occupés. Ou, mot à mot, tous sont occupés. Tutti sono occupati. C'est ça. Tutti sono occupati. Et au féminin, comment diriez-vous elles sont toutes occupées? Mot à mot, toutes sont occupées. Tutte sono occupate. Très bien. Tutte sono occupate. Comment traduit-on je le veux? Lo voglio. Lo voglio, oui. Et je ne le veux pas? Non lo voglio. C'est ça. Non lo voglio. Vous allez dire maintenant vous pouvez la voir. Lo posso... Vous pouvez. Oui, possa? Non. Posso? Può. Ça y est, vous y êtes. Può. Et donc, vous pouvez la voir? Lo può avere ou può averlo? L'un ou l'autre, effectivement. Lo può avere ou può averlo. Bravo, c'est très bien. Maintenant, vous allez dire si vous voulez. Se voilà. Voilà. Non, vuole. Oui, vuole. Se vuole. Se vuole. Se vuole. Si vous le voulez. Se lo vuole. Voilà. Se lo vuole. Si vous le voulez. Comment dites-vous je veux? Voglio. Voglio. Bien sûr. Et je le veux? Lo voglio. Lo voglio. Et que donne je ne le veux pas? Non lo voglio. Non lo voglio. Je ne le veux pas. Traduisez maintenant pourquoi ne le voulez-vous pas? Perché lo non... Pourquoi ne le voulez-vous pas? Perché non lo vuole? Vuole. Vuole. Vuole, c'est ça. Reprenez toute la phrase. Pourquoi ne le voulez-vous pas? Perché non lo vuole? Perché non lo vuole? Voilà. Maintenant, vous allez demander, voulez-vous me dire pourquoi? Comment dites-vous ça? Vuole. Tout à fait, oui. Vuole me dire. Me dire. Je vous rappelle que quand on emploie l'infinitif, c'est-à-dire la forme présente dans les dictionnaires, dire par exemple, et qu'il y a un mot comme le, me, lui, etc. On le colle à la fin du verbe. Absolument. Et ça devient... Dirmi. Dirmi, c'est ça. Je vous rappelle la phrase en entier. Voulez-vous me dire pourquoi? Vuole dirmi perché? Vuole dirmi perché? Oui. Vuole dirmi perché? Ou alors, vous pouvez mettre le mi devant vuole. Et attention, je dis bien devant vuole, le verbe conjugué, et non pas devant dire, qui est le verbe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que ça donnerait dans ce cas? Mi? Mi vuole dire perché? Mi vuole dire perché? C'est ça. Maintenant, comment dit-on « pouvez-vous me dire pourquoi ?» Soit « mi può dire perché ?» Oui. Ou alors « può dirmi perché ?»« Può dirmi perché ?» Bien. Et comment dites-vous « pourquoi ne le voulez-vous pas ?» Perché non... Perché... Non lo... Perché non lo vuole? Oui, perché non lo vuole? Maintenant, vous allez traduire pourquoi ne voulez-vous pas l'acheter? Perché non vuole comprarlo? Bien, perché non vuole comprarlo? Oui. Ou alors, on peut dire perché? Non lo comprarlo. Pourquoi ne voulez-vous pas l'acheter? Perché non lo vuole comprare? Voilà, c'est ça. Perché non lo vuole comprare? Pour en revenir à notre phrase de tout à l'heure, vous pouvez la voir si vous le voulez. Comment diriez-vous ça? Può averlo. Si vous le voulez. Se lo vuole. Bien. Può averlo. Se lo vuole.